Now listen to the first part of the dialogue again, together with the next part. Monsieur Saville? I'm sorry? Vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Snack Track? Ah, oh, yes, that's me. Eh bien, bonjour et bienvenue à Paris. Je m'appelle... What? Je m'appelle Hélène Andéol. Je suis de Salon Plus. Wait a minute. Sorry. Do you speak English? English? Oui. Un peu. A little. Good. Because I don't speak French. Pas du tout. Not at all. Not a word, I'm afraid.